Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Auto. Jean-Benoît Grenier, l'animateur. Ouais, nouveau, là, je vais tasser Luc. Luc, qui d'ailleurs est avec nous pour ce beau programme. Salut Luc. Salut Jean-Benoît. Ben oui, j'ai pris la place. On essaie de rééquilibrer les forces en présence. Luc parlait trop, moi pas assez. Dans le fond, ça va simplement libérer un peu Luc d'un peu de tâches. Il va pouvoir se concentrer sur les tests d'auto. Et il est toujours présent. C'est toujours son projet, c'est toujours son bébé. Mais c'est moi qui vais le traîner. Donc, je serai à la barre du beau programme. Merci, Luc, de me passer les pouvoirs. Mais ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je t'achalais. Ça m'a coûté cher, mais finalement, t'as accepté. Fait que Sous la menace, hein, je peux plier. C'est un moment donné, c'est ça. C'est dur à te faire plier, mais à un moment donné, c'est comme n'importe quoi, ça vient que ça plie. Soit ça plie, soit ça casse. C'est ça, puis toi, t'as juste plié. C'est tant mieux. J'aurais pas aimé ça te casser. Non, hein? Et avec nous, Martin Sagala, l'autre expert en automobile, parce que celui qui anime le show n'y connaît pas grand-chose. Fait que je m'entoure de gens compétents. Salut, Martin. Bonsoir, salut Jean-Manuel. Ça va bien? Oui, oui, on essaye fort. Hey, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Moi, je vais parler du Salon de l'auto de Toronto pour lequel j'avais été invité par Volkswagen. Wow, intéressant. Donc, on va faire une première partie cette semaine, deuxième partie de la semaine prochaine. Question de pouvoir en parler en long et en large du Salon de l'auto de Toronto. D'ailleurs, on remercie Volkswagen. Ils sont tellement fins, puis beaux, puis gentils d'avoir invité Martin. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Ouais. C'est bien, bien apprécié. Toi, Luc, tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais vous parler de la Ford Fiesta 2014. Belle petite bagnole. Moi, je la connais un petit peu. Ben, version 2013 que je possède. Donc, on va pouvoir en jaser en long et en large. Mais avant ça, j'avais le goût de je viens de dire que je connais pas grand-chose en automobile, mais je sais lire. Et ça, c'est une belle force. C'est toujours bon. Pour s'informer. Toujours je suis tombé sur un article. C'est la presse, leur section auto qui nous parle de la technologie dans le cadre de l'automobile qui prend de plus en plus de place. Et le Consumer Electronic Association aux États-Unis qui s'intéresse pas mal au phénomène, veut pas. Et ils ont sondé un peu les acheteurs de voitures au pays. Et il y a des chiffres quand même intéressants. On dit que l'an passé, il y a pour moins de 59% des consommateurs américains en âge de conduire qui ont pris en compte le facteur électronique dans leur voiture, les trucs qui sont implémentés dans la voiture, que ce soit le panneau de contrôle, les trucs tactiles, les écrans de navigation, les caméras de recul, tout ça inclus. Les gens à 59% ont pris ça en compte pour faire un choix. Et on dit que 2 consommateurs sur 5 ont l'intention de s'équiper d'une voiture en conséquence dans les 12 prochains mois. Donc, c'est un virage dans l'industrie qui a commencé depuis un petit peu plus de 6 ans. Vraiment, c'était l'élite au départ qui avait ce genre de technologie-là. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, même dans les plus petites voitures, il y a moyen d'avoir de la place pour intégrer de la technologie. Et plusieurs gros fabricants de techno s'y intéressent à ce phénomène-là. Entre autres, Google et Apple qui tentent de développer là, des systèmes d'exploitation pour tout rassembler les différents logiciels qui sont un peu disparates actuellement pour les contrôler de façon unique. Et c'est très intéressant de voir ça là, évoluer. Un article fort intéressant. On va partager ça sur les différentes pages du podcast Auto. Oui, c'est une bonne idée. Puis c'est vrai un peu, avant, on parlait, tu sais, les petites voitures où c'était vraiment le gros modèle où tu pouvais avoir, tu sais, la navigation et tout ça. Puis maintenant, t'achètes une petite voiture, une sous-compacte, puis on t'offre à peu près tout dedans, les mêmes options que tu as dans une grosse voiture, et que ça a beaucoup changé. La seule chose que j'aimerais que ça modifie aussi à un moment donné, c'est le prix. Il y a des voitures en Europe, là, c'est vraiment dérisoire, là, le prix à comparer à ici. Si on regarde, je pense que c'est le Dacia Duster qui se fait en Europe, puis si tu veux les sièges en cuir, c'est 600$. Si tu veux la navigation, c'est 300. Au Canada, si tu veux le cuir dans une auto, c'est à peu près 1500. Puis si tu veux la navigation, c'est à peu près ça ou plus. Fait qu'on s'entend que les prix sont un petit peu différents. Ça serait le fun que ça coûte pas si cher que ça là, d'avoir ces options-là. Parce que des fois, un, faut avoir le modèle le plus haut de gamme pour avoir droit à avoir la navigation puis un écran tactile. Ça serait le fun d'avoir plus de choix pour un prix un petit peu moins dérisoire. Là, parce que déjà que les autos sont assez dispendieuses. Si tu rajoutes 3000$ d'options sur une auto à à 16-17 000, tu sais, ça commence à apparaître, là. Ouais. On parle aussi d'affichage de l'information sur les écrans, ben pas sur des écrans, là, mais projeté sur la vitre en avant du conducteur, tu sais, à la hauteur du capot, pour avoir certaines informations. Oui, actuellement, c'est seulement sur des véhicules de luxe. On dit que il y a actuellement que quelques... une parcelle là, du marché là, que ce genre de technologie-là. Mais d'ici les prochaines années, on dit qu'il y a 13 modèles supplémentaires qui vont s'ajouter pour nous arriver à 38 sur le marché américain d'ici 5 ans qui vont nous offrir cette technologie-là. Tu sais, je me rappelle, moi, d'avoir eu un Oldsmobile Cutlass en 92 qui en était équipé. Ah ouais? Non, c'est ça. Pourtant, quand c'est les Corvettes, tout avait ça chez General Motors pendant une époque, puis ça a été abandonné... sans trop de raison. C'est comme la 3D qui refait surface. C'est un peu le même principe. Des fois, on n'est pas prêt à certaines technologies, puis on essaie de nous la pousser, même si les gens ne sont pas rendus là. Puis après ça, ben ça mature, on la développe mieux, puis on la remet au goût du jour. Ouais, je me rappelle, mon père avait été essayé à m'amener une Nissan 240SX, puis fouille-moi comment j'avais réussi à y faire essayer ça. Quand mon père s'achetait des Cutlass Supreme puis des Chevrolet Beretta là, dans le temps. Mais on avait été essayé une Nissan 240SX puis la vitesse était projetée dans le pare-brise. Dans le dash, oui. Oui, ben vraiment sur le pare-brise, juste un petit peu au-dessus du tableau de bord. Fait que c'était vraiment le fun. T'sais. Pour le temps, c'était incroyable. Révolutionnaire. Oui, mais en France, il y a une compagnie qui vend un GPS qui projette les informations sur le pare-brise. Donc, quand tu as une sortie à prendre, tu vois vraiment la sortie dessinée sur ton pare-brise, puis ça te dit exactement où sortir. T'sais, là, si tu manques ton coup, c'est parce que tu es vraiment un conducteur poche. Tu fais exprès, tu veux te perdre. Moi, je suis du genre à mettre la petite madame sur mute, là, juste pour faire sûr, parce que ça me dérange, ça me tanne. Je préfère manquer ma sortie que de me faire gosser tout le temps. Ben, ça, c'est bien personnel. Ça, c'est toi. Ouais. Parlant de technologie, allons-y avec Martin. Tu vas nous parler de ta visite au salon de l'auto de Toronto. Il devait y en avoir quand même pas mal, des bagnoles avec de la grosse technologie. Oui, il y avait de la grosse technologie, mais ce n'est pas nécessairement ce qui m'intéressait au départ. Donc, j'avais été invité par Volkswagen, au fond, qui voulait faire le lancement de la nouvelle Golf de 7e génération. Voiture assez exceptionnelle en partant. Oui, ça a gagné énormément de prix, mais c'est dans le fond, c'est un véhicule qui a déjà été lancé un peu partout dans le monde. Là, c'était le lancement canadien, si on veut. D'ailleurs, on avait un avant-goût à Montréal où il avait lancé la GTI, mais étant donné que le prix de la Golf normale, entre guillemets, n'avait pas encore été dévoilé, on a préféré garder la primeur pour Toronto. OK. Mm-hmm. Non, mais on a eu la GTI, on peut quand même dire ça. Oui, on a eu la plus amusante, ça, c'est sûr. OK, oui. Et là, donc, on a dévoilé le prix, on en connaît plus sur la bête en question. Ça ressemble à quoi? C'est dans quelle braquette? Le moins équipé qu'on peut avoir, ceux qu'on va voir de temps à autre dans le fond d'une cour de concessionnaire, puis il y en a peut-être une juste pour pouvoir l'afficher à ce prix-là. C'est un classique. Les cavaliers étaient forts là-dessus dans le temps aussi. Mais ça commence dans les environs de 18 000. Là, ben, en l'équipant, dépendant de quel niveau d'équipement on veut, si on veut, là, on peut monter facilement à 30 000. Là. OK. Ouais. Avec une GTI, tout ça. Mais il y a quand même, j'écoute beaucoup de podcasts américains. Ceux qui parlent anglais, allez écouter le Autoblog podcast là, aux États-Unis. Puis il y a un gars là-dessus qui dit, tu sais, peu importe ce que tu veux dans la vie, là, peu importe quelle auto tu magasines pour, ce que tu veux vraiment, c'est une GTI. Tu le sais juste pas. Tu le sais juste pas, mais ce que tu veux vraiment, pas, c'est une GTI, c'est ça. Donc, GTI, une belle bagnole. As-tu eu la chance de l'avoir de proche? Oui, ben c'est sûr. J'ai eu la chance de l'avoir de proche, de m'asseoir dedans, de la prendre en photo. D'ailleurs, Luc, je sais pas si t'as encore ton lien pour les photos de la GTI, pas de la GTI, mais de la Golf. Oui. On va tout mettre ça sur le site du podcast auto. Tranquillement, j'ai eu des petits problèmes avec le site dernièrement, fait qu'il faut que je me remette dedans un petit peu. J'ai été un petit peu délinquant. Et donc, t'es invité par Volkswagen pour aller au salon de l'auto de Toronto. Comment s'est fait cette invitation-là? Quelle était l'implication de Volkswagen dans le processus? Ah, Volkswagen fournissait l'invitation, l'entrée, l'hôtel, l'avion, les déplacements. Dans le fond, Volkswagen s'occupait de toute la logistique du voyage pour pouvoir nous présenter le lancement avant l'ouverture du salon. OK. Et sinon, comment est-ce que c'était ce salon-là? C'était la première fois que j'allais au Salon de Toronto, qui est le plus gros au Canada. Donc, c'est un petit peu plus petit que le Salon de l'auto de Détroit, je dirais, mais c'est quand même énormément plus gros que celui de Montréal. Ça se compare pas vraiment. Ouais, c'est sûr, c'est plus central, fait que c'est plus facile. Puis surtout, ce qui se passe, c'est que Montréal est pas mal en même temps que le Salon de Détroit. Fait qu'habituellement, on passe à côté de beaucoup de choses. Cette année, on a été chanceux là, avec la Mustang puis une coupe d'affaires. Mais Toronto est plus central. Les autres, ils ont eu le nouveau F-150. Ils ont eu des choses que nous autres, on n'a pas nécessairement ici. Qui était à Toronto? C'est ça. C'est ça. Puis Volkswagen, avais-tu d'autres choses à présenter que la Golf régulière là-bas, ou si ont-ils présenté d'autres choses? N'y avait pas des grosses présentations. Je dirais qu'il y a eu la version, je crois que c'est le 30e anniversaire de la Jetta GLI, OK. qui est le pendant GTI de la Jetta. Ouais, c'est ça. En dehors de ça, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Là, en tout cas, pour quelqu'un qui était à Montréal, c'était pour la plupart les mêmes véhicules. En OK. dehors de la Golf en elle-même, là, puis peut-être disons que le kiosque était plus gros, il y avait plus de budget d'investissement, là, mais en dehors de ça, c'était grosso modo les mêmes véhicules. J'espère qu'ils vont pousser un peu la nouvelle Golf, parce que c'est bien populaire ici. Puis il faut vraiment. On dirait que la journée que. Puis ça, je vais en parler dans un podcast un peu plus tard. J'ai conduit une Golf familiale diesel. Et là, j'entends le monde dire hein, quoi? Non. Mais c'est ça. Mais j'espère qu'ils vont la pousser un peu plus, parce qu'on dirait, vu que je conduisais une Volkswagen, on dirait que tous les propriétaires de Volkswagen étaient sortis en même temps, parce que j'en croisais tout plein ces routes. C'est là que tu t'aperçois que, tu sais, au Volkswagen au Québec, ça marche pas C'est mal. comme avec les motos, vous faites des babayes, hein, c'est ça, Non, non, pas vraiment. hein? Mais tu sais, j'espère T'as juste dit le qu'ils vont la. mot-clé au Québec. Québec, c'est ça. J'espère juste qu'ils vont pousser un peu la Golf, parce qu'elle a quand même gagné voiture mondiale de l'année au salon de c'est-tu, au salon de Paris l'année passée, tu sais. C'est comme. C'est pas rien, là. Ça serait le fun qu'il pousse au Canada, que le monde connaisse cette voiture-là, parce que c'est vraiment un beau petit paquet complet, là. Oui, puis ça reste souvent un véhicule qu'on oublie quand on cherche un véhicule. Il vient pas nécessairement dans les premiers de la liste, mais même si c'est des véhicules très intéressants. Ça, peut-être à cause du prix, ou peut-être à cause que le monde pense que Volkswagen, c'est une petite compagnie, là, mais on C'est s'entend que énorme. c'est le troisième constructeur mondial, là. Fait que c'est pas le petit constructeur d'à côté, là. C'est vraiment une grosse boîte, là. En publicité, on parle de sexy dans le sens de attrayant, de attractive, là, tu sais, qui attire l'attention, qui intéresse les gens, mais tu sais, c'est quasiment surnaturel, c'est quasiment contre le gré des gens, là, ça va attirer le regard. Mais tu sais, Volkswagen, dans l'esprit des gens, c'est zéro sexy. C'est peut-être ça le problème. Faut que il y a comme ce renouveau-là, cette jeunesse que les véhicules présentent, mais que la marque, on dirait qu'on n'est pas rendu là encore. Comme, mettons, je prends l'exemple, aux États-Unis, Cadillac, c'est des chars de papier dans la tête de bien des gens, alors que pourtant, on nous offre quand même des véhicules très intéressants pour une gamme variée d'individus, là. Ouais. Cadillac en est à refaire son image aussi encore. Là. Ça fait une dizaine d'années qu'il travaille à se rebâtir une image de plus être le véhicule de papier, justement. Ouais, sont en train de réussir, par exemple. Les dernières voitures que Cadillac a sorties, c'est quelque chose. C'est pas des voitures de grand-père comme on avait dans le temps, là. Ça commence à être du sport. Puis quand tu tombes dans la série CTSV ou des choses comme ça, là, les versions de turbo-compressées, là, c'est. Excuse-moi, là. Une Cadillac avec un moteur de Corvette, là, c'est pas mon grand-père qui aurait conduit ça, t'sais. On est loin du Cadillac de Villebrogame. Ouais, on est assez loin de ça, ouais. C'est tout autre chose. Mais tu sais, Volkswagen, je veux dire, ont des belles voitures. Oui, c'est pas nécessairement des voitures qui tapent à l'œil parce qu'ils n'ont pas une allure hyper sportive et tout ça, là. Mais je dirais quand même, c'est une voiture qui est assez, t'sais, performante. Si on parle de la GTI ou de la Golf, c'est une voiture qui est quand même Donc, assez les véhicules performante, très t'sais. amusants à conduire Oh, là, dans oui. l'ensemble. Même les versions de base, c'est beaucoup moins endormant à conduire qu'exemple une Corolla. Là. Ouais, c'est C'est ça. pas. Je me Ce demande qui est comment pas. le monde font pour rester réveillé au volant d'une Corolla. Ben, ça se vend beaucoup des Assez Corollas. difficile. Mettre la musique Ils forte. forcent bien, bien gros. Les routes du Québec, ça charge de nous tenir éveillés. C'est ça, avec les postes et tout. C'est ah, c'est pour ça que ça vend beaucoup ici, on vient de comprendre. Ouais. Martin, parle-nous, premier étage. On va séparer ta visite du Salon de l'Auto de Toronto en deux épisodes, en deux émissions. Premier étage cette semaine, deuxième la semaine prochaine. Dis-nous, là, je te laisse aller. Là. Parle-moi de ce qui t'a marqué dans ce premier étage-là du Salon de l'Auto de Toronto de cette année. Oui, ben disons qu'on va y aller avec les grandes lignes. Wow, wow, wow. Donc, ben, disons que je pars du kiosque de Volkswagen en m'en allant. On est face à face avec le kiosque de Porsche qui lançait dans un nouveau segment là, qui s'en vient plutôt populaire, des petits VUS de luxe qui lançait le Porsche Macan. Ouais. Duquel j'ai même pas pris de photo, en fait, tellement il a l'air d'un clone en plus petit d'un Porsche Cayenne. Je me suis même pas aperçu, étant donné qu'il était tout seul, loin du Cayenne, que les proportions étaient différentes. Je croyais que c'était un autre modèle de Cayenne. Ouais, mais ça a l'air que, par exemple, à conduire, on est plus proche de la dynamique d'une 911 que d'un Cayenne. C'est pas bâti sur une base de 4x4, c'est bâti sur une base de Porsche 911. Fait que le système de 4 roues motrices, c'est le système à traction intégrale de la Porsche et non pas du Cayenne. Fait que ça a l'air que la dynamique est assez différente. On doit être assez loin du feeling de camion. Oui, oui, ça a l'air que ça se traîne pas mal. Puis bon, j'aurai pas l'occasion de l'essayer parce que je suis pas rendu là. Mais c'est des voitures plus difficiles à avoir. Mais ça a l'air que pour côté conduite, là, c'est vraiment intéressant. Wow. Mais bon, on va prendre l'opinion des gens qui l'ont conduit. Qui n'est pas moi. Oui, c'est ça, on va prendre notre mal en patience. Peut-être un jour. La prochaine génération. Oui, c'est ça, peut-être. Dans le même genre de segment, il y avait un prototype du côté d'Infiniti. Parce qu'à Toronto, il faut le dire, il y a beaucoup de prototypes. C'est un peu comme aller au salon de Détroit ou des choses comme ça, où est-ce que les constructeurs mettent beaucoup l'emphase sur attirer les gens avec des prototypes qui préfigurent les prochains modèles ou juste complètement pétés. Ce qui est moins le cas à Montréal. Là. Ces véhicules-là se déplacent rarement à Montréal. De l'autre côté, il y avait, c'est ça, de l'Infiniti Q30 qui se trouve qu'être l'équivalent du Porsche Macan dont on vient de parler pour Infiniti dans le futur, mais qui est encore un prototype qui le préfigure. Oui, ben c'est ça. On n'a pas beaucoup, comme tu dis, on n'a pas beaucoup ça à Montréal, des concepts. On a eu le Kia Soulster, qui est un Soul, genre pour la fête plus de course. Oui, pimpé, qui était quand même assez joli, mais c'est rare qu'on a des prototypes ici. Fait que Toronto, c'est un peu plus propice pour ça. Oui, c'est triste quand même, étant donné que c'est des véhicules qui attirent beaucoup. C'est des véhicules qui ont une aura qu'un véhicule que de tous les jours qu'on va pouvoir rencontrer dans le trafic. Là, c'est pas la même chose. Ouais. Donc, mais on avait quand même, à Montréal, on a quand même eu le concept de la prochaine Subaru Legacy. Ou c'était-tu la Legacy? Oui, oui, je crois que c'était la Legacy. Qui était là. C'est correct. Là. Mais Subaru sont super forts pour présenter des concepts qui sortent finalement jamais. Là. ben, ils aiment ça, sortir des concepts, mais ça voit rarement la production. Fait que c'est ça qui est un peu plat. Ils sont pas assez sobres. Ben ouais, peut-être. C'est peut-être on le rend un peu trop sobre, puis après ça, on sait plus ce que c'était, là, mais bon. Tout le monde est passé dessus, enlevé ce qui faisait de l'éclatant, puis on revient au même modèle qu'avant. Ouais, c'est ça. Ensuite, ouais, Martin? Ça ressemble souvent à ça. Il y avait le kiosque de Mercedes qui lançait sa nouvelle classe C aussi, qui est un autre véhicule que je crois pas qu'on va avoir à l'essai. Non, pas dans un avenir rapproché. Non. Sûrement pas. La prochaine génération encore. Peut-être non. Aussi, oui. Donc, il y avait aussi le kiosque de Nissan qui était pas loin, qui lançait, si on veut, toute une déclinaison de modèle Nismo, qui se trouve qu'elle est sa version un peu plus sport, si on veut, là, un peu dans les classiques, là, comme il y a eu les Saturn Redline, les Mercedes AMG, BMW, les séries M. Ouais, sauf que Nismo, sûrement, c'est pas le moteur n'est pas changé, c'est vraiment juste du cosmétique. C'est du cosmétique, c'est beaucoup de rouge à lèvres. Là. Ouais. Non. Enfin, il y avait la nouvelle version de la Sentra Nismo qui se trouvait qu'à avoir une ligne rouge qui faisait le tour du véhicule, évidemment. Donc, le Joke Nismo, pas le Joke Nismo R, mais juste le Joke Nismo qui se trouve qu'à avoir le même moteur et un kit d'esthétique. Mm-hmm. Qui est quand même beau, mais on l'avait à Montréal, le Joke Nismo, avec les rétroviseurs rouges et des choses comme ça. Là. C'est quand même pas pire comme véhicule. Les sièges en dedans étaient changés aussi, il y avait des trims rouges dedans. C'est quand même bien. Il Il y a du cosmétique, on voit la différence. Mais en même temps, c'est quand même une clientèle assez niche qui va aller le chercher parce que d'un, ça plaira pas nécessairement à tout le monde et de deux, ben tu viens de rajouter une couche sur le portefeuille. C'est pas si cher que ça, je, par exemple, pour avoir un kit Nismo, il me semble, sur un Juke, on parle en bas de 1 000 $, je me rappelle, Ah ouais, mais ok. je peux me tromper, là. Mais j'ai vu certains modèles Nismo, on parle en dessous de 1 000 $ d'options. C'est pas super cher. C'est sûr, s'ils changent les sièges à l'intérieur, tout ça, c'est un peu plus, là, mais t'as des kits Nismo qui commencent un petit peu moins cher que ça, là. Ok. Mais ça donne un beau look à l'auto, là. C'est Oh, pour c'est un sortir moyen. du lot un peu. C'est ça. Ça donne un autre moyen pour le constructeur de faire de l'argent en vendant des accessoires. Un Ouais, ou mais... deux autres trucs, Martin, par rapport au salon Oui. qui t'a attiré? Donc, il y avait des lancements de véhicules plus mainstream, si on veut, là. Il y avait la nouvelle WRX qui Ouais. ressemble à l'ancienne WRX. Il y avait la nouvelle Honda Fit, qui est pas vraiment dans mes goûts personnellement, mais qui était là quand même. Oui, mais elle est quand même jolie. Ils ont quand même fait. Ils ont pas révolutionné, mais l'évolution qu'elle a, je trouve ça intéressant. Non, elle est plus moderne que l'ancien modèle. Oui, c'est ça. Mais c'est une voiture qui est assez populaire chez Honda, la Fit. C'est une voiture qui est assez versatile. C'est le fun parce que tu as beaucoup d'espace, puis de la manière que les bancs peuvent se rabattre, ça donne un plancher vraiment plat à l'intérieur. Tu peux passer un vélo d'un bord à l'autre pour, si tu veux, traîner ton vélo. C'est quand même intéressant. J'ai pas nié son côté pratique. Oui, c'est ça. J'ai nié vouloir en vouloir un, par OK, exemple. mais ça t'as le droit. Ça t'as le droit. Chacun ses goûts, hein, rendu là. Effectivement. Il y avait un peu plus loin chez Acura, ils lançaient leur concept qui va remplacer, au fond, qui préfigure la lignée esthétique de leur nouveau modèle, qui ressemble à l'ancien. Il y a encore la grille caractéristique en dents de castor, même si on l'a atténuée un petit peu. Elle s'intègre un peu mieux, par exemple. OK. Ouais, je trouvais que ça avait l'air d'une ouvre-bouteille à un moment donné, là, mais ben pas. Bon, Oui. c'est ça. Mais c'est quand même des belles voitures. C'est quand même des bonnes voitures. Ça a quand même un look assez, t'sais, agressif. Fait que c'est pas. C'est quand même bien. Ben, pour quelqu'un qui se sent attiré par le modèle, c'est un modèle tout à fait valable, c'est très fiable, c'est intéressant. Disons, pour quelqu'un qui aime le style de l'avant. Ouais, c'est ça. Parce que le reste, c'est correct. C'est juste la calandre, la grille en avant, on aime ou on n'aime pas. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, Sinon, donc il y avait. Sinon, ben là, il y avait évidemment, il y avait une exposition de véhicules antiques, comme il y a presque toujours dans des salons de l'auto, où on présentait, si on veut, plusieurs véhicules classiques de Dodge, y compris le célèbre Superbird bleu de Richard Petty qu'on voit dans le film Les Bagnoles, entre autres. Plusieurs modèles avec des Hemi rares qui valent une fortune. Il y avait plusieurs véhicules intéressants. Il y avait aussi des hot rods. Puis, juste un étage en dessous, il y avait toute une panoplie de supercars. Donc, si on veut, là, tout ce qui est Bugatti, McLaren, Ferrari, Maserati, tout se trouvait juste en dessous. Ah, oh, une Bugatti Veyron? Je crois qu'il y en avait une au fond. OK. Mais pour être franc, j'en ai déjà rencontré une ou deux dans d'autres salons, donc c'est pas le premier véhicule sur lequel je vais me lancer non plus. C'est drôle, hein, un véhicule de 2 millions, puis tu l'as, tu sais, je trouve impressionnant la technologie qu'il y a dedans, mais je l'ai vu au Salon de Montréal, c'est l'année passée, je pense, puis je l'ai vu, je dis, ah, OK. Ça a juste Oui. l'air d'une grosse bulle, tu sais. Ah bon? Mais bon, pour avoir parlé à Marc Lachapelle du salon du guide de l'auto, qui lui l'a conduit, et c'est l'expérience de sa vie qu'il m'avait dit. Ça doit être impressionnant. C'est assez quelque chose. Surtout que tout le long, quand tu passes l'accélérateur, tu dois dire, faut pas que je me plante, faut pas que je me plante, faut pas que je me plante. Si tu appelles ta compagnie d'assurance, oui, bonjour, j'ai pris le champ avec une Bugatti Veyron. Au Tu vas préalable. attendre le bureau complet perdre connaissance. 30 minutes, je vais vous passer le gérant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Mais c'est quand même une section qui doit attirer l'attention. Tu sais, toi, t'es blasé, t'en as tellement vu, mais le commun des Ah, mortels, lui, ça doit attirer son attention. non, c'est sûr que c'est des endroits dans la plupart des salons de l'auto qui servent à attirer une clientèle qui ne serait pas nécessairement venue ou qui n'était pas à se magasiner un véhicule. Ouais. Donc, ça permet d'attirer une affluence plus importante dans la plupart des salons. Là. Montréal aussi a une section de sport et modifié. La plupart des salons en ont une. Ah, c'est ça, puis de Lamborghini, puis de Ferrari. Puis j'imagine, puis je pas 100% sûr, là, mais je pense que c'est pas que je me trompe trop. Le gars ou la fille qui va se magasiner une Ferrari ou une Lamborghini va pas nécessairement la magasiner au salon de l'auto. J'en doute fort. D'après moi, il va directement chez le concessionnaire puis il dit « Je veux elle en jaune. » Puis c'est tout. C'est à peu près ça. C'est probablement qu'il a payé cash, il n'y a pas de versement. Non, normalement, il ne devrait pas financer non plus. Va te financer sur 12 mois. Ouais, c'est ça. Nous autres, on est financé sur comme 40 ans comme une hypothèque. Là, parce je vais te mettre ça sur 3 vies, s'il te plaît. C'est ça. On va transférer ça à tes enfants plus tard. Ouais. Ouais, je me rappelle d'avoir déjà vu les versements sur une Rolls-Royce à l'achat sur 5 ans ou quelque chose comme ça avec des paiements de 12-13 000 par mois. Là. Ouais, c'est ça. Ça prend un salaire légèrement plus haut que le mien. On se met à gang. Ainsi que le mien. Ouais, c'est ça. On se met à toute ma tweet list sur Twitter puis on s'en achète une, OK? Chacun l'avoir un jour. C'est ça, mais même pas. Ça serait pire que ça. Une journée aux 4 ans. Sois pas malade la journée qu'elle passe. Mais non, c'est ça. C'est des voitures hors de prix, mais on aime ça les voir pareil. Oh, on aime ça rêver. Une Lamborghini Aventador en avant de toi, c'est toujours beau à regarder en sachant pleinement que même si j'avais l'argent pour me l'acheter, je le ferais probablement pas. Mais bon, c'est faut que tu aies les poches très profondes parce que. Acheter l'auto, c'est une chose. La faire entretenir, c'en est un autre. Oui. Tu la repays deux fois. Hein? Tu sais, tu vas pas faire tes changements d'huile chez Jiffy Lube avec ta Lamborghini Aventador. Tu sais. Faut que tu ailles chez Lamborghini. Puis le petit monsieur qui t'attend avec les gants blancs t'attend aussi avec une facture très salée à la sortie. Mais c'est ça. Certainement. En effet. Martin, ça doit faire pas mal le tour pour la première partie de cette chronique sur le salon de l'auto de Toronto. Mm-hmm. Bon, ça fait pas mal le tour de cette section-là du salon. Semaine prochaine, deuxième étage, plus de mordant encore. Mm-hmm. Sois pas trop expressif, hein, Martin. Écoute, quelqu'un de très expressif. T'es vendeur solide. Mords pas ton téléphone, Martin. On va aller avec toi, Luc. Toi, Ford Fiesta, on est loin des Bugatti puis des Lamborghini de ce monde, mais quand même une bagnole qu'on voit. Plus régulièrement sur les routes du Québec. Un petit peu plus facile à acheter. Oui. Financer sur pas sur 3 vies, celle-là. Vous pouvez la financer sur une couple d'années, ça va faire le travail. La Fiesta 2014, qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Qu'est-ce que ça présente comme bagnole? Ben, dans le fin fond, si vous avez vu la 2013, c'est exactement la même voiture. Ce qu'on a fait, on a refait la calandre pour amener ça dans au design de la famille Ford, donc la Fusion, la Focus et tout ça. Ford refait tranquillement tous ses modèles pour aller avec ce style-là. Donc, c'est vraiment le gros changement, c'est ça. Pour le reste, l'extérieur, la Fiesta est disponible en deux modèles, soit un modèle A, valise ou modèle berline, ou sinon avec un bon vieux hatchback, comme on dit, donc un modèle à haillons. Le modèle que j'ai essayé, c'est un modèle à haillons d'un vert, ma foi, très pétant. mais lime solide, là. C'était lime solide, mais sur le coup, je l'ai vu, je me suis dit, oh boy, m'as-tu assez aveuglé du monde en me retournant chez nous à soir? Mais plus je la conduisais, plus que je me disais, tu sais, ça fait changement. Puis ça m'a vraiment frappé quand j'étais arrivé au travail avec, parce que bon. Les gens t'ont vu, là, ils t'ont remarqué. Oui, les gens l'ont remarqué. Puis faire des essais d'auto, c'est pas mon travail. J'ai une vraie job qui paye. T'sais, mon hypothèque et tout ça. Puis ça, c'est vraiment un passe-temps que j'adore faire. T'sais, la job qui paye les Lamborghini, là, l'autre. Ouais, là. Ouais, c'est ça, l'autre qui paye la Lamborghini Aventador que je rêve de quand je dors la nuit. C'est à peu près les paiements que je peux faire, c'est sur une Lamborghini en rêve. Donc, je l'ai amené au bureau, je l'ai stationné dans le stationnement où normalement j'ai ma Mazda 3 grise foncée. Et puis là, je l'ai stationné en plein milieu, vraiment, ça a juste tombé que la place de stationnement était au milieu. Puis je regardais les autos qui étaient, parce que mon bureau est au deuxième étage, là, je regardais l'auto du haut, puis là, je me disais, OK, blanc, gris, noir, blanc, vert. Moins blanc, compliqué gris, que noir. Où est Charlie, hein? C'était vraiment, ouais, c'était, OK. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, ah, qu'est-ce que tu conduis cette semaine? Je dis, va voir dehors, je dis, mais mets tes lunettes de soleil avant. Puis, il est revenu, il dit, ouais, c'est vert, c'est un moyen temps. Oui, mais c'est rafraîchissant pareil parce que ça sort du lot, parce que la plupart du monde, et moi, j'ai deux autos grises dans mon entrée. T'sais. Des fois, on est conservateur. Il y a du monde qui vont avec du rouge ou du bleu, mais les couleurs populaires, c'est noir, gris, blanc, des choses comme ça. Quelque chose de classique qui sort pas trop du lot. C'est donc, elle était vraiment verte, mais c'était un beau vert. J'ai pas trouvé ça laid. C'est pas un vert mélangé avec du bleu. C'est un vert qui va bien vieillir, je crois. C'est un vrai vert. Pour vous donner une idée, c'est le même vert qu'il y avait sur la Mustang jusque l'année passée, la Mustang 2013-2014, qui s'appelle Got to Have It Green. Mais c'est un beau vert, c'est pas laid. Donc, la Fiesta est disponible avec des roues de 15 pouces, aller jusqu'à 17 pouces. 17 pouces, c'est sur le modèle ST, dont je vous parlerai plus tard. Le modèle ST, c'est le petit modèle avec un moteur turbo qui est supposément extrêmement amusant à conduire, puis je vais l'avoir dans quelques semaines. Pour le plaisir. Donc, côté, si on regarde les freins, la Fiesta, c'est des disques à l'avant, tambour à l'arrière. Il y a beaucoup de voitures, surtout des petites voitures. Maintenant, on a des disques aux quatre roues. La Fiesta est encore avec des tambours en arrière. Il y a d'autres voitures aussi. Il y a même des berlines qui ont encore des tambours à l'arrière dans les versions plus bas de gamme. C'est moins cher d'entretien. Les tambours, on n'a pas besoin de les changer vraiment aussi souvent qu'on pourrait changer des plaquettes de frein. Donc, son poids. Oui, c'est ça. Puis vu son poids aussi. Puis aussi, quand on freine, le poids se déplace vers l'avant. Donc, c'est surtout les freins en avant qui sont les plus importants. C'est eux autres qui vont ramasser presque la totalité du poids de l'auto quand on freine. Donc, c'est eux autres qui sont importants. Ça, c'est des freins à disque. À part de ça, on a le système de remplissage sans bouchon que j'adore. Chez Ford, on n'a pas de bouchon à dévisser quand on va à station essence. Moi, j'aime bien ça. On ne sait jamais moins. Où mettre le motadis bouchon. On les perd moins. Oui, c'est ça. Tu peux le perdre parce qu'il est attaché, mais des fois, ils n'ont pas l'idée de mettre un petit crochet pour le tenir. Fait que là, il frotte sa peinture pendant que tu... J'aime pas ça. Simplement désagréable. Oui, c'est juste simplement désagréable. Fait que ça, c'est très bien, c'est le fun. L'intérieur, c'est super bien. T'sais, tantôt, Jean-Benoît, tu parlais des petites voitures et tout ça. T'sais, dans le temps, tu achetais une sous-compacte, on te punissait. Fait qu'on te donnait un auto, on te vissait quatre chaises de par terre, après, quasiment dans voiture, puis tu t'en allais avec ça. Tu n'avais pas le droit d'avoir de cuir dans une tu n'avais pas le droit d'avoir de technologie, c'était vraiment, on te punissait. Puis là, le marché, à part aux États-Unis, les Américains n'aiment pas vraiment les petites voitures, c'est plus des berlines ou même des berlines pleines grandeur qui se vendent, mais ça commence. Au Québec, on est friand des petites voitures, des sous-compacts. Fait qu'on a commencé à nous gâter avec de la navigation, un système audio avec un écran tactile du cuir. Dans la Fiesta que j'avais, qui était le modèle Titanium, c'est vraiment le modèle haut de gamme. Il y a la S, la SE, puis la Titanium, puis après ça, il y a la ST. Mais la ST, je la calcule séparée parce que c'est vraiment une bête totalement différente. La Titanium, j'avais siège en cuir chauffant, le volant ajustable, hauteur, télescopique, les commandes pour contrôler le système de divertissement sur le volant. Le sync, le MyFord Touch pour être capable de contrôler justement tout ça, la navigation, les places en avant, c'est spacieux, on est super bien. J'avais le toit ouvrant aussi. Place arrière, ça dépend de votre situation. Moi, j'ai un petit garçon de 8 ans, puis à sa grandeur, les pieds arrivent pas nécessairement à toucher au tapis sur le plancher. Donc, ses pieds sont un peu trop hauts. Donc, l'espace entre le siège arrière et le siège avant est super important. Donc, si votre conjoint mesure 6 pieds, ça se peut que ça soit difficile pour l'enfant de s'asseoir puis d'être confortable sans avoir les pieds toujours penchés vers le bas. Donc, l'espace est limité, mais ça dépend de votre situation. Si vous n'avez pas d'enfant, il n'y a aucun problème. Vous pouvez rabattre les sièges si vous voulez mettre des objets plus grands dans le coffre. Le coffre est quand même moyennement spacieux pour la grosseur de la voiture. C'est quand même super bien, là. Mais si vous avez des jeunes enfants, regardez ça avant de vraiment vous lancer pour voir si c'est correct pour eux parce que l'espace est un petit peu restreint. Ouais. C'est pas une berline, hein? C'est pas un véhicule. Non, non. On parle d'une sous-compacte. Moi, la sous-compacte qui a le plus d'espace que j'ai vu à date, c'est la Nissan Versa Note. Moi-même, je m'assoyais en arrière de mon siège conducteur, puis il me restait encore presque 6 à 8 pouces d'espace entre mes genoux et le siège en avant. C'est incroyablement vaste de la manière que c'est fait, tandis que la Fiesta, c'est un peu plus restreint. Le seul hic pour moi, pour l'intérieur de la Fiesta, puis la tienne, elle doit être comme ça aussi, c'est qu'on voit un peu trop la couleur extérieure de l'auto à mon goût. Mais si ça... c'était rappelé, tu sais, dans le... tu sais, quand même la console, bon moi, la mienne est rouge, donc comme la radio, les couleurs, c'est rouge aussi. À la limite, ça fait un petit rappel, mais tu sais... La couleur de la radio va être rouge sur tous les modèles. Puis si t'as un char qui est vert, puis tu vois le vert qui dépasse, c'est moins de l'âme, là, tu sais. C'est ça. C'est super voyant si la voiture est voyante. Moi, mon vert, je le voyais très bien. Un rouge, tu vas le voir très bien aussi. Si c'est une couleur, tu sais, c'est un gris, un noir, c'est un peu moins pire, mais des couleurs pâles ou des couleurs voyantes, ça tape à l'œil. Puis c'est pas nécessairement le fait de le voir alentour de la vitre qui est un problème. C'est vraiment... là où l'accoudoir arrête dans la portière, puis où l'espèce de pilier où il y a la ceinture, il y a un espace, puis c'est la couleur de l'auto qu'on voit là, puis moi, ça me fatigue. On dirait qu'on a comme coupé là-dessus pour être capable d'en offrir ailleurs, côté qualité. Ouais. Tu sais, peut-être un pouce de plus de plastique, ça aurait été bien, ou tout simplement repeinturer l'intérieur noir ou gris. Mais bon, c'est pas ce qui m'empêcherait d'aller en acheter une. C'est juste, pour moi, ça aurait été juste une plus belle finition si on avait fini ça comme il faut. Motorisation, ben il y a un moteur. C'est un 4 cylindres d'1.6 litres qui développe 120 chevaux, 112 livres-pieds de couple. C'est pas hyper puissant, c'est pas une voiture qui va vous décoiffer quand vous allez faire des accélérations, mais pour la grosseur de la voiture, moi je trouve ça correct, c'est suffisant. Transmission manuelle à 5 vitesses de série ou une automatique à 6 vitesses disponible en option pour la Fiesta, que je vais vous parler plus tard. C'est la seule qui peut être avec une transmission manuelle à 6 vitesses, mais seulement 6 vitesses pour la transmission. La ST n'est pas disponible en automatique. Donc, si vous pensiez peut-être aller vous chercher une Fiesta ST puis vous ne conduisez pas manuel, ben je viens de changer vos plans. comportement routier, c'est le fun. Ça se conduit bien. Suspension est un peu sèche par bout avec des nids de poule. On n'a pas ça, des nids de poule ici. Ou un dos down. Si vous le traversez à une vitesse un petit peu excessif, vous allez trouver que ça tape un peu, mais pour la conduite de tous les jours là, sur une route plane et pas trop québécoise, là, vous allez trouver ça quand même très bien. Consommation d'essence, bon, Ford annonce 7,4 litres au 100 km en ville, 5,2 sur route avec la transmission manuelle, automatique 7 litres au 100 km en ville, 5 litres au 100 km sur route. Pour moi, pour ma semaine, j'ai eu une consommation de 7,6 litres au 100 km. C'est combiné, mais moi, bon, restant dans l'ouest et aller travailler à Saint-Laurent, la majorité de mon trajet se fait dans le merveilleux trafic. Donc, je pense 7,6, c'est pas mal dans les normes. Là, c'est pas excessif. C'est quelque chose qui est quand même pas super. Puis j'aurais peut-être pu faire plus attention et tout ça. Mais bon, c'est quand même potable. Vous êtes probablement capable d'avoir quelque chose d'un peu mieux comme résultat de consommation. Mais en tant que tel, là, c'est une très bonne voiture. C'est amusant à conduire. C'est fiable. Vous vous trompez pas si vous allez voir cette voiture-là, si vous l'essayez. Même si vous l'achetez, la preuve, Jean-Benoît l'a fait. Eh oui, moi, je suis tombé en amour avec le fun factor dans cette voiture-là. Il y a comme une drive, il y a un dynamisme dans la conduite de ce véhicule-là. On se croirait au volant de quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qu'on a réellement entre les mains. C'est ça, c'est pas super. Puis, tu sais, je veux dire, on est loin de la Fiesta des années 78-80. Parce qu'il y a eu deux modèles dans ce genre-là chez Ford. Il y a eu la Fiesta puis il y a eu la Festiva. Oui. Qui étaient deux modèles que Festif. Ford aimerait sûrement oublier aujourd'hui. Mais ça, oui. c'est vraiment autre chose. Là, on est dans une voiture qui est capable de compétitionner avec les meilleurs. Donc, un achat potentiel pour les gens qui visent cette catégorie de véhicules. Oh oui, c'est hyper fiable, c'est bien, ça se conduit bien, c'est super le fun. T'sais, rendu là, puis comme on disait sur la chronique qu'on a fait à radio ce matin, je veux dire, rendu là, c'est plus une question de vraiment, ça c'est vraiment meilleur que ça. On est rendu dans Est-ce que tu trouves elle plus belle que elle? Est-ce que tu es plus Ford, tu es plus Chevrolet, tu es plus Honda, tu es plus, tu sais, Qu'est-ce qui si remplit le tu... mieux tes besoins? C'est ça, puis c'est quoi ton, tu sais, ton affinité? Il y a des gens qui auront rien d'autre que des Honda dans leur vie parce que sont Honda. Il y a des gens qui auront rien d'autre que des Volkswagen parce que sont Volkswagen. Il y a des gens qui sont Ford. Donc, c'est ton affinité, quel constructeur t'attire. Des fois, c'est une question de distance aussi. Tu sais, quand tu restais à Havre-Saint-Pierre, tu allais peut-être au concessionnaire qui était le plus proche de toi. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans ton coin et tout ça. Fait que c'est beaucoup ça maintenant parce que les voitures, il n'y a plus vraiment de citron aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment des voitures qui sont pourries aujourd'hui. Les constructeurs ne peuvent plus faire ça. Donc, c'est vraiment une question de goût et tout ça. Mais la Fiesta peut facilement être sur votre liste de. C'est 4-5 autos à aller voir. Parce que quand on se magasine une sous-compacte, on se magasine un prix. Parce que souvent, on n'a pas nécessairement un budget à finir. On se magasine pas une Lamborghini Aventador ou une Fiesta. C'est comme on disait, on se magasine. C'est rare. C'est rare que c'est dans la même discussion, là. C'est ça, c'est dans la même gamme. Fait que rendu à ce niveau-là, on est quel prix que ça va me coûter au bout de la ligne, combien ça va me coûter par mois, le taux de financement est-tu à 0%, est-tu à 6%, est-tu à 4%, y a-tu des rabais, t'sais? Consommation d'essence, l'espace, puis tout ça aussi. Fait que c'est tous des critères, mais comme je disais, elle mérite pleinement d'être sur votre liste d'achat. Ben merci beaucoup, Luc. C'est ce qui fait le tour pour l'émission de cette semaine du podcast Auto. Martin, qui nous présentait sa première portion de sa visite au Salon de l'Auto de Toronto, nous présentera la deuxième portion la semaine prochaine. Luc, autre test de voiture, Oui. qu'est-ce que tu auras sous la main? La semaine prochaine, on va parler de la Fiat 500L. L pour large, la version familiale, la Fiat. Parlant de petite bagnole, hein, quand même. Et moi, ben, je serai là pour parler des affaires, puis vous lancer les différents sujets. Je rappelle qu'on est toujours disponible sur iTunes en version podcast. Aussi, on a un site internet, lepodcastauto.ca. On a une adresse courriel, lepodcastauto@gmail.com. Et sur Facebook, cherchez-nous. Cherchez le podcast Auto, on va sortir, c'est sûr. Et sur Twitter, @podcastauto, c'est Luc qui gère toutes ces belles petites patentes-là. Et ben, parlant de Luc, où est-ce que toi, on te retrouve sur le web? Bien, sur Twitter, vous pouvez me rejoindre à Scalazormo. Et puis, vous pouvez me lire sur le blog de Kijiji. À tous les jeudis, on met un nouvel article en ligne qui vient de moi. Le site, c'est frkijijiblog.ca. Puis, cliquez sur la section véhicules. Vous allez voir mes articles qui sortent là. Il y a 5-6 articles présentement. Puis, j'en mets un à chaque jeudi. Toi, Martin, où est-ce qu'on te retrouve? Oui, mais sur Twitter, à Martin Sagala. Ou sur Facebook, j'ai une page aussi, Martin sur la road. Donc, on trouve là. Et moi, ben, oui. Sur Twitter, @gangg_B. Sinon, ben, je gère les différents comptes officiels de la réalité augmentée, @realitéhog, et sur Facebook. Là, cherchez, vous allez me trouver. C'est pas bien ben compliqué. Et ben voilà, c'est aussi simple que ça. Merci d'avoir été des nôtres pour le podcast Auto de cette semaine. Le renouveau, on renaît de nos cendres et on est parti pour une belle aventure. On se revoit la prochaine fois. Salut tout le monde! Bye! Salut!